Alors Monique, tu veux parler avec nous de politique? Tu veux parler avec nous de politique? La politique, j'ai jamais voté en politique parce que je trouve que les politiciens, ils vont dire des affaires, mais ils tiennent jamais leurs promesses. C'est toujours, oh, tu vas avoir mieux, puis en fin de compte, t'as jamais rien. C'est comme... C'est un démenti pour qu'on vote pour raison. Mais alors, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une possibilité d'améliorer les choses? Bien, comme les étudiants, ils ont... Comme les étudiants, ils ont demandé, puis ils n'ont pas plus amélioré le sort des étudiants. La Marois est rentrée, puis ça n'a pas été mieux. C'est vrai? Parce que je l'écoute à la télévision, puis les étudiants n'ont pas plus. Et alors, aucun homme politique, parce que bon, peut-être que Marois, on peut... Mais à votre avis, il n'y en a aucun qu'on peut croire? Bien, moi, j'aime... Mais c'est les seuls que j'aimais, c'est Lucien Bouchard, Bernard Landry. Il y avait aussi Justin Trudeau, que j'aime bien. Puis, et mon Dieu, Ryan Mulroney. Et alors, tu dis que tu n'as jamais voté depuis toujours? Tu as refusé de voter? Non, mais j'aime pas ça voter. C'est parce que pour pas que quelqu'un vole mon vote, j'allais avant pour le faire barrer. Mais j'aime pas ça voter. Parce que non, j'ai pas confiance en les autres. Présentez-vous et parlez de ce que vous voulez. Juste le prénom et puis voilà. Moi, je m'appelle Marjo. C'est tout. Je m'appelle Marjo, puis je trouve que le système du gouvernement, c'est pas mal des belles promesses, puis ils nous font encore des belles choses, puis après, quand ils sont élus, on paye des taxes, puis ils nous comprennent pas, nous autres, les faibles revenus. On paye cher, puis moi, les politiciens, j'y trouve... ils pourraient être bons, mais ils nous donnent beaucoup de taxes, les taxes. C'est trop cher, la vie. J'ai une question. Pourquoi est-ce que vous pensez que les politiciens... Qu'est-ce qui empêche les politiciens d'être bons? Puisqu'on a tous... Ils sont quand même les personnes. Qu'est-ce qui les empêche d'être des bons représentants des peuples? T'as vu la madame, je sais pas son nom, elle qui est en chaise roulante, là? Je sais pas son nom. Elle est dans la politique. Elle a volé le gouvernement. Elle doit plein d'argent au gouvernement. Les voyages qu'il fait, tout ça, il fourre le gouvernement à peu près. Excuse-moi. Et alors, est-ce que, par exemple, vous allez voter pendant les élections? Bien, ça dépend. Moi, je suis pas mal indécise. Je suis pas mal indécise pour voter à cette heure. Parce qu'on dirait qu'elle a tout reviré le système à l'envers, Mme Marois. J'avais voté libéral. C'était un peu mieux, là. Ils veulent couper les chèques de bien-être social. C'est ça, là. Je trouve ça, c'est terrible. Parce que... C'est parce que je trouve ça terrible quand que Mme Maltais, elle voulait ôter leur d'argent aux aides sociales. On ne peut pas arriver. On paye des logements à 500-600$. On paye l'électricité, puis elle a encore augmenté l'Hydro-Québec, là. C'est assez. On paye pour le pot cassé à eux autres. On dirait qu'ils font des erreurs, puis c'est les plus pauvres qui payent. Est-ce que, par exemple, pour ça, vous mobilisez, vous allez manifester contre les coupures à l'aide sociale? Est-ce que vous militez pour ça? Bien, moi, je trouve que le système... Moi, pour aller manifester, je dirais oui. Ça dépend d'où ce qu'on va aller manifester. J'aurais pas peur parce qu'il faut se défendre. Comme les étudiants, ils ont été dans les rues pour aller se défendre. Nous autres aussi, on va être capables de dire notre mot. Et ça serait pourquoi que vous y allez manifester? Ça serait contre quoi? Bien, contre Mme Maltais là, qui veut descendre les pensions de bien-être social, là. Puis avec tout le système, il y a eu bien de la corruption ici. On a entendu avec la commission Charbonneau. Eux autres, ils font pas de prison, ils palent tout ce qu'ils ont fait, les choses dures. Nous autres, on fera ça, on ira faire de la prison tout de suite. Oui, il y a beaucoup de scandales. Il y a beaucoup d'injustices aussi. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un double standard pour les politiciens et puis après pour les autres personnes? Le jugement, par exemple, qu'eux, ils ne font pas de prison, alors... Ben moi, je trouve que c'est pas correct. Eux autres, ils ont tellement pris d'argent, ils ont tellement fait des gros contrats que je comprends pas, moi. Parce que si ça aurait été une personne ordinaire, tout de suite, il leur a passé un procès, puis il leur a fait de la prison. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un double standard entre les politiciens et les gens normaux? C'est parce que les gens normaux sont moins hypocrites que les politiciens. Ils sont moins bien traités, les gens normaux. Ben, c'est parce que les politiciens, c'est nous autres, on est des gens pas en moyen comme les autres. Ça fait qu'ils nous traitent comme de la merde. Ils nous traitent comme des moins que rien. Je déteste les politiciens, je n'ai jamais aimé, je les déteste. Il n'y a qu'un Justin Trudeau, là, parce que j'aimais Pierre-Éliott Trudeau, c'est tout. Est-ce que, par exemple, vous allez manifester? Non, ben moi, j'ai pas santé pour. Si je fais des marches trop longues, après, je peux plus presque marcher. Je fais attention. Mais si vous aviez plus de santé, vous irez manifester? Oui. Puis moi, je suis bête à Nantes, j'aurais manifesté. Mais pour, comme moi, j'étais pour les étudiants. J'ai trouvé que c'était dégueulasse ce qu'ils ont fait. Je prendrais pour les étudiants, pour les causes qui seraient la cause qu'on manifesterait. Parce qu'ils n'ont rien fait pour les étudiants du tout. Là. Ça peut être pour un ou deux. Dans un monde parfait, que feraient les politiciens? Dans quelle façon se comporteraient-ils? La même façon. Ils ne feraient rien comme d'habitude. Non, mais dans votre monde parfait. Ils ne feraient rien pour plus. Parce qu'il y en a deux qui ont crossé le gouvernement déjà. La femme en chaise roulante, puis un autre, ça fait que... Oublie ça. Plus humain avec les personnes à faible revenu. Eux autres, ils sont bien, ils sont en moyen, ils sont capables de faire qu'est-ce qu'ils veulent. Nous autres, on est obligés des fois là, de ménager, on sort presque plus, tout coûte cher. On est dans la maison, puis ben moi, je trouve des solutions. Des fois, j'ai mon petit chien. Ça me fait de quoi à la maison, puis quand j'ai un peu d'argent, ben je sors un peu. Mais je pense que le système, il est pas mal mélangé. Parce qu'ils sont là pour nous, ils sont pas là contre nous. Il faudrait qu'ils comprennent. Ils sont contre nous, mais il faudrait qu'ils comprennent. Est-ce que vous avez l'impression qu'à l'heure actuelle, ils sont vraiment pour nous ou est-ce que c'est plutôt ils devraient être pour nous, mais en effet... Ils font rien. Moi, je pense qu'ils devraient se mettre à notre place. Moi, j'aimerais ça les voir avec un petit chèque du bien-être social pour un mois. Je pense que Mme Marois et Mme Malta ne seront pas capables de vivre là-dessus parce que c'est très dur. Même des fois, je mange qu'un fois par jour. Parce que ça coûte trop cher. Mon logement n'est pas abordable, puis toute l'électricité, tous les comptes payés, il me reste presque plus d'argent. Est-ce que vous pouvez penser à une fois où le gouvernement aurait pu vous aider et ça l'a pas aidé? Bien, c'est comme je te disais tantôt, ils nous font des promesses quand ils veulent se faire élire. Ils font « on va faire ça ». Puis quand ils sont au pouvoir, on dirait que c'est comme la... Ils changent son capot de bord. Ouais. Mais même pour les étudiants aussi, ça a été difficile. Oui, surtout avec Pauline Marois. Avec Pauline Marois. Elle avait porté le carré rouge. Oui. Et puis là, maintenant, elle fait l'annexation. C'est ça. Je te dis, elle vire son capot de bord. Ouais. Puis après, elle change son idée. Elle va dans une autre direction. Je ne sais pas si elle est capable de gouverner. Moi, je verrais un autre politicien à sa place. Parce qu'elle a fait beaucoup de choses. Je ne sais pas comme qui, là. Je ne suis pas bien forte en politique, mais je voudrais une autre personne au pouvoir parce que depuis qu'elle est au pouvoir, elle a fait beaucoup de choses. Elle a changé ça. Est-ce que vous pensez qu'une partie du problème, c'est que les politiciens viennent d'une certaine partie de la société qui est assez privilégiée? Ben, est-ce que vous pensez que c'est le système politique qui est corrompu? Ben, c'est peut-être le système politique aussi, où ils veulent être au pouvoir, mais après, on dirait qu'ils perdent les pédales et on dirait qu'ils ne sont plus les pieds sur terre. Mais vous pensez que c'est pour moi? Est-ce que ça pourrait être autrement? Bien, ça pourrait être autrement. On faudrait qu'elles se mettent à la place du monde qui sont à faible revenu. J'aimerais ça la voir, moi, un peu dans ma situation avec ce que j'ai. J'ai presque rien, mais je trouve des solutions puis j'essaye de foncer pareil. Parce que c'est très dur. Je vais demander à Monique si elle a quelque chose à ajouter. En fait, on parlait de si c'est le système politique qui corrompt les politiciens ou si c'est les gens qui veulent devenir les politiciens qui sont facilement corrompables. Je ne sais pas si ce mot existe. Vous pensez que c'est quoi la raison? Ils sont corrompus. Pourquoi est-ce qu'ils sont corrompus? Est-ce que c'est les gens ou est-ce que c'est le système? C'est le système parce que les politiciens sont... Youhou! Les politiciens sont censés nous aider. Mais après, ils utilisent l'argent du monde pour leur plaisir, là, pour eux autres. Et vous pensez que c'est pourquoi qu'ils font ça? Je ne sais pas, mais je sais qu'ils sont corrompus parce que tu as vu comme Tremblay. Le maire Tremblay, c'est un maire. Il a été corrompu, t'as-tu vu? Il y avait de l'argent de prix. Il y a de quoi qui ne marche pas à quelque part. Là. Mais pourquoi pensez-vous que de telles choses arrivent? Moi, je pense qu'ils ne savent pas gérer leur affaire. C'est le budget qu'ils ont, hein? Ils ne savent pas le gérer. Ils vont en voyage, ils dépensent pour rien. Moi, je pense que c'est ça, là. Ils font des dépenses inutiles. Est-ce que vous pensez que si c'était des gens plutôt comme vous, comme moi, la politique serait mieux? Est-ce que vous pensez que c'est le genre de personne? Peut-être nous autres, on saurait mieux gérer Peut-être on saurait mieux gérer le budget et tout ça. Il va y avoir une révolution. Le monde va se révolter après, là. Tellement de choses. Il va y avoir une affaire. C'est une guerre civile. Le monde va faire des affaires. Ah oui, ça va arriver. Ça va arriver parce que le monde est tanné, là. Je pense que le monde va être tanné. Parce qu'ils font de la corruption, puis ils font des voyages, ils prennent l'argent au lieu de la mettre à la bonne place. Obama, je l'aime bien. Mais gars! Obama, je l'aime bien, mais il faudrait qu'il ferait plus son possible pour pas la Corée du Nord envoyer le missile. Il ne fait pas ça. Moi, là, j'écoutais, j'avais toujours peur qu'il envoyait le missile. Tu te rappelles? À la télévision, j'ai peur. Tu sais, parce qu'ils disent que c'est une bombe atomique ou une bombe nucléaire. Moi, j'ai peur. Parce que faites quoi, Obama, là? On t'a élu, fais quelque chose. Je l'aime bien, mais il faut qu'il fasse quelque chose. Pour empêcher les Coréens de... C'est vrai que ça ne va pas par nous, c'est aux États-Unis, mais ça ne fait rien. C'est des gens pareils, c'est des êtres humains quand même. Oui, tout à fait, c'est vrai. Je sais que tout à l'heure, vous avez dit que vous seriez d'accord de parler des choses plus personnelles. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse toujours? Puisque je sais que tout à l'heure, vous avez dit que ça serait mieux un thème un peu plus personnel. Je sais que... Est-ce que vous voudriez parler un peu de ça plutôt que la politique? Quel thème personnel? Bah, par exemple, vous avez dit que ça serait peut-être bien d'avoir un thème sur la violence contre les femmes. Et je sais que déjà, il y a peut-être quelques mois, ça, c'était déjà un thème, mais peut-être vous n'étiez pas là. Alors, si vous voulez parler de ça maintenant... Ben moi, j'ai vécu un peu dans le tough. J'ai été une fille de gang, une fille de bicycle. puis j'ai été dans le tough. Mais avec les années, j'ai été tout le temps abusée puis maganée. Quand t'es trop bonne, des fois, tu te fais manipuler. Puis j'ai vécu bien des affaires, mais j'ai tout passé au travail. Ça a été bien dur à me sortir de ça. Mais quand je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, j'ai fait une bonne affaire. Alors, c'était en vous mariant, vous êtes sortie de cette situation? Oui, oui, oui. Ben, je l'ai rencontré, puis avant, j'ai rencontré tout du monde en violence, du monde tough, comme on dit. Mais c'est du bonne personne pareil, mais moi, à cette heure, j'ai vécu une affaire de même dans ma jeunesse, mais là, aujourd'hui, je suis mieux. Mais je vis des choses pareilles dans mon vécu. Je suis pas riche, mais... Je trouve tout le temps, j'essaie tout le temps à prendre mes problèmes en main, mes responsabilités toutes. Et vous aviez quel âge quand vous avez vécu cette période difficile? Ah, j'avais 13 ans. Ben, à 13 ans, j'ai eu mon premier garçon. J'ai eu un garçon à 13 ans, je l'ai gardé. J'ai eu trois enfants. Oui. Ils sont tous à grâce terre, ils sont tous partis de la maison. Ben j'avais des bons grands-parents qui m'ont aidé beaucoup là-dessus. Ouais. Ben j'ai eu mes trois enfants, j'ai été une personne tranquille. J'ai été élevée dans une bonne famille pareille, mais je me suis fait influencer, puis j'ai embarqué dans des choses qui ne seraient pas trop, trop bon. Mais aujourd'hui, je suis encore en vie. J'ai eu 53 ans samedi passé. Je suis encore là, oui. Mais mes enfants, ça a été le plus beau cadeau que j'ai eu. Les enfants m'ont fait réaliser que... Mais j'ai rencontré encore des violents puis des violents tout le temps de ma vie. Je suis pas chanceuse en amour. Là, je reste seule, puis j'ai mon chien de garde, Rover. Puis je l'aime beaucoup. Est-ce que vous trouvez que c'est mieux d'être seule? Ben moi, j'aime mieux d'être seule que d'être mal accompagnée. Parce que je fais des activités pareilles. J'ai des amis, des bons amis. Que j'ai rencontré une famille. J'ai été travailler pour cette famille-là. Ça fait 28 ans que je les connais. Puis à chaque fois que c'est ma fête, ils m'invitent puis ils me fêtent. Puis quand j'ai besoin de quelque chose, je les appelle puis ils m'aident un peu. C'est du bon monde. Mais, comme je dis, la souffrance, j'ai souffert beaucoup. Même Monique avec, on a eu beaucoup de choses, beaucoup de difficultés, mais là, aujourd'hui, je me dis, je suis contente pareil. Comment je suis pas riche? Comment que j'ai plus les mêmes amis d'avant? Je suis heureuse pareil, mais je souhaite rien de mal à ces amis-là pareil. Merci d'avoir partagé. OK, je te remercie. Et puis, si vous voulez, on peut retourner à la politique. Alors, je ne sais pas. OK. Est-ce que vous avez des autres questions que vous voudrez poser sur la politique? C'est pareil comme, tu sais, comme il pourrait aider... Tu sais, comme essayer de travailler pour avoir d'autres centres pour les femmes en difficulté. Tu sais, aider, comme ils disent, le budget. Les gens n'ont pas assez de budget pour les centres, comme chez Doris, les autres centres. Ça, je le sais parce que c'est une directrice qui me l'a dit. Il y a un centre que je vois, ils ont coupé le budget parce qu'ils n'ont pas assez. Puis toutes les autres, ben ils devraient aider les centres, moi, je trouve. Un petit peu plus. Oui, ils ne font pas assez. Ben non, parce que, tu vois, ici, ils ont coupé des affaires. Là-bas, ils ont coupé des affaires aussi. À Mont aussi, parce qu'on n'y arrive pas. Et vous pensez que c'est pourquoi? C'est l'argent qui manque. C'est pour ça que je te dis, des fois, ils peuvent se la mettre dans les poches puis ils se calissent de nous autres. Hein. Ouais. Est-ce que c'est que ça monte ou est-ce que c'est plutôt que... ouais, maintenant, je suis... Claudia! Maintenant. Claudia! Fais attention, le fil est là. Est-ce que c'est que l'argent monte ou est-ce que c'est plutôt juste que... Moi, je trouve l'argent décent. Hein? Moi, je trouve l'argent descend en place de monter. Parce qu'il y a une crise économique. La crise économique est après baissée à place de monter. Oui. Il en parle à la télévision. Tu sais, j'ai l'air niaiseuse, mais... J'ai l'air niaiseuse, mais j'écoute bien les nouvelles et tout ça. Je sais que le gouvernement, ça va pas bien. Oui. Des fois, j'écoute... tu sais, des affaires qui arrivent dans le monde, je veux savoir. Puis des fois, ça me rend triste, là, comme, tu sais, ce qu'ils ont fait, la bombe qui a été placée, là, puis ça a tué deux enfants. Tu sais, c'est ça, ils disent qu'ils arrêtent le terrorisme, ils l'arrêtent pas. Allô? Ils disent qu'ils vont arrêter le terrorisme, mais c'est pas vrai, ça continue pareil. Il y a des gens qui se font tout ça. Ils n'avaient parlé qu'ils arrêtaient ça dans la politique, Obama. Mais ça pas, c'est pas mieux. Ils sont après tués d'autres mondes pareil. Puis c'est des humains, ils n'ont pas d'affaires. Il y a deux enfants puis une femme qui ont été tués. Elle avait une famille. Hein. Moi, je viens forger. Tu sais, ben, chez moi, là, pas ici. Mais ça m'enrage. Un petit bébé de 8 ans. C'est triste. Est-ce que vous pensez que dans les autres endroits dans le monde, il y a les systèmes politiques qui sont mieux qu'ici? Comme, attends, c'est où j'ai vu ça? Le monsieur qui est décédé, là. Il était venu... Oui. Lui, il a dirigé sa politique de la bonne façon. Oui, comme Haïti, il dirige... Fais attention, Phil. Je suis pas impoli, là, mais... C'est parce que, comme en Haïti, il surveille, mais ça change pas. Ça s'améliore pas. Tu sais, les gens, c'est triste. Oui, ils sont pauvres, ils font ce petit. Même quand il y a eu les... comment t'appelles ça? Là? Le tremblement de terre. Ils n'ont pas arrangé encore. Plutôt d'arranger, ils prennent du temps. Puis il y a plein de morts, hein? Tu l'as vu? Moi, j'écoute partout. Puis là-bas, là, pas en Arabie Saoudite, la madame qui s'est fait tuer, elle était... c'était pas une activiste, c'était une madame de la politique. Elle était en exil, elle est revenue. Elle s'est fait tuer. Elle était sur un auto, là, comme le pape, mais elle s'est fait tuer par des talibans. C'est ça. Elle aurait été supposée la protéger, après, elle s'est fait tuer. C'est fâchant, la politique, c'est comme ça.